écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Chers amis, que la faveur et la paix vous soient données de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Je suis Abanga Onana. La grâce divine seule pour un règne en Christ et pour une destinée accomplie. Tel est le thème de notre message d'aujourd'hui. En dehors de sa définition classique, la grâce divine, la faveur imméritée envers tous les indignes, est une source de salut. Et elle est en plus un enseignant pour tous les humains. Là où il y a la faveur divine, la capacité divine y est aussi à l'œuvre pour accomplir ce que les favorisés ne peuvent accomplir par eux-mêmes. Titus 2, à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété ou mépris de Dieu et de ses valeurs. Elle nous enseigne donc à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La faveur divine pour tous les hommes, sans discrimination de couleur de la peau, de sexe, de rang social, de niveau d'éducation, d'appartenance politique ou d'opinion, d'appartenance religieuse, a donc été manifestée, c'est-à-dire rendue publique, par la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, surtout par sa mort et sa résurrection. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La faveur divine est donc accessible par tous. Voici un témoignage donné par Fernand le Grand sur un prédicateur américain de la génération passée. Il avait vécu sa vie passée comme un vrai homme méchant, impudique, pervers et perfide. Mais après sa conversion, il devint un puissant témoin de Jésus-Christ. Un soir où il devait entrer dans le lieu où il devait prêcher, quelqu'un qu'il n'avait pas remarqué lui glissa un billet dans la main. Le billet était rédigé en ces termes. « Monsieur, vous êtes un infect hypocrite. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à tel lieu, à telle date ? Misérable hypocrite, vous savez que chaque mot de ce billet que vous lisez est vrai. Alors, oseriez-vous, après l'avoir lu, monter sur une estrade et vous tenir derrière un pupitre pour prêcher ce que vous appelez évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Surpris et décontenancé, le prédicateur mit le billet dans sa poche. Et dès qu'il monta à l'estrade pour prêcher, il lut les paroles de Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, qui longtemps avant lui avait dit dans 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Cela ressemble aussi à Abanga Onana, dont vous entendez la voix. Il poursuivit. Mes amis, en entrant ici ce soir, une lettre m'a été donnée. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais il est évident que celui qui l'a écrite connaît très bien ma vie passée. Mais j'ai trois choses à dire concernant cette lettre. D'abord, tout ce qui y est écrit est vrai. Plaise à Dieu que j'ai pu défaire tout ce qui est écrit. Non par la puissance des hommes qui en est incapable, mais par la seule puissance de sa grâce divine. Deux, tout est déjà pardonné. Dieu sait que c'est pardonné et je sais que c'est pardonné. 3. Si Dieu, par l'amour et l'œuvre de Jésus-Christ, peut pardonner les péchés d'un homme comme moi et me justifier, il n'y a pas dans tout le monde un trop grand pécheur que Dieu ne peut pas pardonner et sauver. Chers amis qui écoutez ce message en ce moment, cette même grâce est disponible pour vous, qui que vous soyez membre d'une religion, fût-elle chrétienne ou pas. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce s'était manifestée dans la vie de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, supplantant ainsi la loi de Moïse qui l'avait déjà condamnée et s'apprêtait à exécuter la sentence en la lapidant. Jean chapitre 8. La faveur divine faite chère s'était manifestée sur la croix pour sauver la vie du larron repentant. La faveur divine faite chère s'était manifestée sur la croix pendant que ses bénéficiaires la foulaient aux pieds et outrageaient son esprit. Et cette grâce divine faite chère s'écria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant qu'elle nous enseigne qu'elle a déjà tout accompli, la grâce divine continue par les termes suivants. « S'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. » 2 Corinthiens 5, verset 20. La faveur divine faite chère s'était manifestée dans la vie de Saul de Tars qui persécutait le saint et cette grâce l'avait sauvé. Galates 1, verset 13. C'est Paul qui parle. « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Jésus. » Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, nous voyons déjà que par sa préscience, Dieu nous prédestine, même pendant que nous sommes dans le sein de notre maman, parce qu'il savait déjà que quelles que soient les gaffes que Saul de Tarse commettrait contre son église, il finira par être sauvé. Galates 1, verset 15, nous continuons. Mais lorsqu'il put à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. La faveur divine s'était manifestée dans la vie de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et l'avait guérie. Marc chapitre 5. La grâce divine, source de salut pour tous les hommes, s'était manifestée dans la vie de Zachée le publicain, malgré sa très petite taille. Luc chapitre 19. Dans Marc chapitre 2, au verset 17, c'est Jésus qui parle. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Mais les malades, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance et son salut. Écoutons ce que nous dit un gracié qui ne marchait désormais que dans la grâce divine et qui n'imitait que celui par qui la grâce s'était manifestée dans sa vie. Il s'agit de Saul, devenu l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les juifs, j'ai été comme juif, afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est à cet effet que, dans le livre des Proverbes, la sagesse et la justice de Dieu nous conduisent à la repentance authentique si nous voulons bénéficier de la grâce divine. Ah oui, dans Proverbe 28 au verset 13, nous lisons « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, il obtient la faveur divine. » C'est la même chose que nous dit le Nouveau Testament dans Actes 17 au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Voilà ce que nous enseigne l'Esprit de la grâce, afin que nous nous saisissions d'elle dans son abondance, afin que là où le péché a abondé, la faveur divine surabonde, afin que nous puissions régner dans la vie par Jésus-Christ seul. Romains 5, verset 20. Nous ne le dirons jamais assez, parce qu'elle est source de salut pour tous les hommes. La grâce divine qui s'est manifestée est aussi et surtout un enseignant qui nous prépare à une seule chose, à ne pas rater la bienheureuse espérance, l'enlèvement éminent de l'église des vainqueurs. Oui, Tite 2, verset 12. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, comme il avait été dit à Clovis, le roi de France, par Saint Rémy, quand il fut baptisé, « Brûle tout ce que tu as adoré jusqu'à présent. » Et adore tout ce que tu as brûlé jusqu'à présent. C'est un changement analogue que la grâce divine nous enseigne. Pour en bénéficier jusqu'à ce que nous soyons enlevés au son de la trompette, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons porter notre croix et ne suivre que le Seigneur Jésus-Christ seul. Pour cela, nous devons changer l'ordre charnel, mondain et malin que tous ceux qui ne suivent pas les enseignements de la grâce ont hérité de leur père. Le moi d'abord et le vous à la fin. Nous devons changer cet ordre en mettant d'abord, avant tout, lui, Dieu, en premier et nous après. C'est ce que nous dit Matthieu 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Nous devons donner la première place au Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Philippiens 2 au verset 3 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous voyons que dans la pédagogie de la grâce divine, le jeu est à la fin et c'est Dieu qui est au début. Il ne s'agit donc pas de celui qui veut entrer au ciel par ses propres capacités humaines ou religieuses, mais de celui qui le veut de tout son cœur et qui le peut par la seule faveur divine qui nous enseigne dans 1 Jean 2 au verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La faveur divine n'est donc pas exclusive ni discriminatoire. Mais c'est chacun de nous qui doit la connaître, la comprendre, la désirer, la rechercher, la saisir, la recevoir, l'écouter et lui obéir tous les jours de sa vie. D'abord, 1. Nous ne devons pas fouler aux pieds la parole de la grâce divine. D'après Acte 20 au verset 32. La parole de Dieu est la parole de la grâce divine. Ne la foulons jamais aux pieds. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair. 2. N'outrageons pas l'esprit de la grâce. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10. Si nous outrageons l'esprit de la grâce, nous sommes en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est l'esprit de la grâce qui nous révèle le Seigneur Jésus-Christ, qui nous révèle la puissance salvatrice dans son sang précieux versé pour nous. Alors, si nous foulons aux pieds le Fils de Dieu, et si nous profanons le sang de l'Alliance, cela signifie que nous avons outragé l'esprit de la grâce. Et n'oublions pas, les trois sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. L'eau parle de la parole de Dieu. Le sang est le sang de Jésus versé. Et l'esprit est l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Paul nous exhorte fortement à nous saisir de l'abondance de la grâce divine. Sinon, nous n'en bénéficierons jamais. Et nous ne régnerons jamais par Jésus-Christ, comme notre destinée divine le veut. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui se saisissent de l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Même dans notre société humaine, si un condamné à mort et emprisonné se voit accorder la grâce présidentielle ou royale et qu'il la rejette, sa condamnation sera exécutée et il sera pendu. La grâce est donc une faveur dont la valeur dépend de son acceptation. Paul nous dit ensuite dans Galates 1 au verset 6, Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aïe, aïe, aïe. Et au verset 10, il dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? C'est Paul qui parle. Est-ce que je désire la grâce des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Dieu n'est donc pas injuste pour prédestiner certains au succès par sa faveur et d'autres à l'échec en leur refusant sa faveur. Si tel était le cas, nous n'aurions même plus besoin d'aller à l'église et la grande commission serait sans objet et nos prières n'auraient aucun sens. La faveur divine est une source de salut pour tous. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceci est très important, ceci s'adresse à nos amis qui jonglent avec la prédestination. Ceux que Dieu a connus d'avance, ce sont ceux-là qu'il a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a donc prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Non seulement nous devons désirer, saisir et recevoir la faveur divine, mais nous devons la conserver jalousement, de peur d'en être déchu avant l'accomplissement de notre destinée. Aïe, aïe, aïe. Paul disait aux Galates, chapitre 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi et non dans la grâce. Vous êtes déchus de la grâce. Ce n'est que parce que nous avons saisi et retenu sa faveur divine par Jésus-Christ que nous sommes devenus une race choisie. 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Les innocents et les dignes n'ont donc pas besoin de la faveur, mais ce sont les jugés, les coupables, les condamnés et les indignes. Jean 3, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Les jugés et les condamnés sont donc dans le couloir de la mort, en attente de l'exécution de leur peine. À moins qu'entre-temps, la faveur royale offerte et acceptée par eux s'exerce en leur faveur. La faveur présidentielle ou royale dans le temporel ne sauve que la vie physique de l'homme pour ceux qui sont condamnés à mort. Alors que la faveur divine dans le spirituel, non seulement elle sauve votre être physique pour un temps et même vos émotions, mais surtout et surtout, elle vous sauve de la mort spirituelle. Que nous sert-il d'obtenir toutes les grâces présidentielles dans ce monde alors que nous n'avons aucune grâce du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Seigneur Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui par qui la grâce et la vérité sont venues. Jean 1, verset 17. Et nous voyons que tous ceux qui opèrent sous la faveur divine sont humbles de cœur, endurants et persévérants. Galates 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Parce que tout au long du parcours dans la faveur divine de tout enfant de Dieu, Dieu met devant lui des personnages divers, tels que les parents, les familles, les amis, les partenaires, les voisins, les collaborateurs, les frères en Christ, les autorités familiales, spirituelles, administratives, scolaires et professionnelles. Et en plus des personnages, Dieu met devant nous des temps et des circonstances et des lieux qu'il nous faut savoir discerner clairement afin de ne pas déchoir de notre faveur. Parce que le diable nous donnera des faux personnages, des faux lieux, des faux temps et des fausses circonstances. alors soyons patients. Par exemple, en ce qui concerne les lieux, Dieu avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Tant que Abraham demeurait dans son pays, dans sa patrie et dans la maison de son père, la grâce divine ne pouvait pas se manifester dans sa vie. Et le verset 4 nous dit, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » Dieu, dans sa préscience, savait déjà que Abraham aura un cœur selon lui, que Abraham sera quelqu'un qui obéira à Dieu. C'est pour cela que Dieu l'avait prédestiné et lui avait accordé cette grâce parmi une multitude d'autres personnages idolâtres en Chaldée. Mais c'est Abraham qui fut choisi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'est pas injuste. Alors, en ce qui concerne les personnages que Dieu placera devant nous sur notre parcours de la grâce divine, faisons attention d'embrasser ce que le diable va placer devant nous. Alors, Hébreux 13 au verset 1 nous dit, « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » En ce qui concerne les temps, Galates 1 du verset 3 au verset 4 nous dit que, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Jésus ne pouvait pas venir avant ou après. C'est quand les temps furent accomplis. Dieu travaille avec un emploi du temps précis. Pour manifester sa faveur sur Saul de Tarse, devenu Paul, Dieu avait mis Ananias de Damas sur son chemin pour le loger, pour lui imposer les mains, pour qu'il soit baptisé du Saint-Esprit et recouvre sa vue, et ensuite pour qu'il le conduise au baptême d'eau. Acte 9. Dieu avait aussi manifesté sa faveur sur Paul en mettant sur son chemin un certain Barnabas, fils de l'exhortation, pour qu'il l'introduise au milieu des apôtres à Jérusalem et des frères des autres églises. Acte 9, verset 27, Acte 11, verset 25 à 26. Il en est de même pour le mariage. Dieu y manifeste sa faveur si nous la comprenons selon l'esprit de la grâce et non selon la chair, les bonheurs, les paix et les zones de confort éphémères de ce monde. Exemple d'Abigaël qui n'aurait pas accompli sa destinée divine en devenant l'épouse du roi d'Israël si la faveur divine ne permettait pas qu'elle soit d'abord l'épouse de Nabal, un fou. Exemple aussi du roi Assuérus de Perse qui n'aurait pas accompli sa destinée divine en épousant Esther si la faveur divine ne faisait pas d'abord de lui l'époux de Vasti, une femme non vertueuse. Toutes choses concourent donc au bien de ceux qui marchent dans la faveur divine. Ecclésiaste 9, verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Chers amis, la grâce divine nous enseigne de considérer les temps, les circonstances, les personnages et les lieux. C'est ce que Jésus disait aux Juifs qui n'avaient pas reconnu le temps de leur visitation divine dans Luc 19, versets 41 à 44. Parce que comme nous l'avons déjà dit, la faveur de Dieu ne se réalise pas automatiquement dans nos vies si nous ne la comprenons pas, ne la recevons pas et ne demeurons pas dans ses enseignements pour les pratiquer. Par exemple, si nous ne connaissons pas notre Dieu, il est impossible que nous fassions des exploits avec lui. Daniel 11, verset 32. Par exemple encore, la vie chrétienne est remplie de lois spirituelles, de principes divins que nous devons connaître et mettre en pratique. Sinon, nous ne réussirons jamais et nous rendrons ainsi vaine la grâce divine dans nos vies. Et nous périrons faute de connaissance, alors que la grâce divine a déjà été manifestée pour nous. Toutes choses concourent donc au bien de ceux qui sont sous la grâce divine. Donc voici quelques exemples. Nous commençons par Noé. Le nom Noé signifie tranquillité ou repos. Genèse 6, verset 8 nous dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Parce que Dieu savait dans sa préscience que Noé avait un cœur croyant et obéissant. Genèse 6, verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Voilà ce que Dieu avait connu d'avance concernant Noé parmi tous ceux de sa génération. Parce que Dieu savait à l'avance que Noé avait la foi et un cœur selon lui, il obtint sa faveur et le salut avec toute sa famille. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez, la grâce lui avait déjà enseigné ces choses et il les a reçues pour les mettre en pratique. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà ce que Dieu cherche en chacun d'entre nous pour que sa faveur puisse se déverser dans nos vies, pour notre bien. De même, tous les membres de la famille de Noé avaient bénéficié de la faveur divine parce que Dieu, dans sa préscience, savait qu'ils allaient tous se soumettre à l'autorité du chef fidèle de famille que Dieu avait établi sur eux. Genèse 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Alléluia. Si nous cherchons Dieu, nous le trouverons. Alors si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons pas. Si Dieu qui sait tout à l'avance ne nous voit pas juste, il ne peut pas nous prédestiner victorieusement dans la vie. C'est ce que signifie dans Romains 8 au verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Parce que Dieu savait dans sa préscience que Noé était un prédicateur de la justice. Il lui accorda sa faveur. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie. Chers amis qui m'écoutez, si vous êtes injuste au milieu d'un monde impie, Dieu va vous visiter et va vous accorder sa grâce divine. 8 est le chiffre du nouveau commencement. Il fallait que Dieu recommence une nouvelle dispensation entre lui et les hommes par Noé. Et Dieu se souvient toujours de tous ceux qui opèrent sous et par sa faveur divine. Genèse 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Et Dieu maintient béni tous ceux qui bénéficient de sa faveur divine. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. 2. Abraham, qui signifie père d'une multitude. Genèse 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous voyons que Lot fut déchu de la faveur divine parce qu'il n'avait pas suivi ou observé les enseignements de la grâce jusqu'au bout. Parce que Dieu avait connu Abraham à l'avance, avant sa naissance et pendant les premières 75 ans de sa vie, qu'il avait un cœur de foi, un cœur selon Dieu, il prédestina cet idolâtre à devenir le père de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, mais c'est par la justice de la foi. Verset 17. Dieu dit d'Abraham, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.

avoir donné Ruth et d'avoir préservé sa vie, contrairement à celle de son mari et ses deux fils. Au lieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité, Naomi passait désormais tout son temps à rendre Dieu responsable de tous ses maux. Ruth 1, verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, appelez-moi Amère, car le Dieu Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Oui, c'est Dieu maintenant qui était le responsable, le coupable de tous ces problèmes. Aïe, aïe, aïe. Mais revenons à Ruth, née d'une tribu maudite, les Moabites, mariée non-croyante et maudite, mariée à un maladif. Les deux fils de Naomi, Kiljon et Mahlon, étaient des maladifs. Mariée à un maladif, devenue veuve sans enfant et très misérable dans sa tendre jeunesse, la faveur divine, source de salut pour tous les hommes, visita Ruth et la sauva, parce qu'elle avait fortement saisi l'abondance de la grâce divine. Cette grâce lui donna la vie abondante et fit d'elle l'ancêtre de Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Alléluia. Ensuite, nous avons l'exemple de Mephibosheth. Ce nom signifie dissiper la honte. Mais nous voyons que tant que la grâce divine n'était pas venue dans la vie de Mephibosheth, sa honte ne pouvait pas être dissipée. Mephibosheth était le fils de Jonathan, ami intime de David, et petit-fils du roi Saül, qui lui haïssait David à mort. Mephibosheth devint paralysé par accident et un réfugié très misérable après la mort de son grand père le roi et de son père Jonathan. Dans 2 Samuel 9, à partir du verset 1, David, ayant succédé à Saül au trône, dit « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit « Es-tu Tiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, mais perclus les pieds. » Verset 4, le roi lui dit, « Où est-il ?» Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le nom Lodébar signifie « terre sans nourriture, où rien ne pousse. » Verset 5. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Voilà les traits de cachet judiciaire et spirituel des personnes que Dieu recherche afin qu'il leur donne sa grâce. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Alléluia. Chers amis, tant que nous ne sommes pas humbles de cœur, la faveur divine ne sera pas notre partage. Chers amis, la faveur divine nous a été manifestée, non seulement pour que nous croyions en Jésus-Christ de tout notre cœur, mais pour que nous souffrions pour lui et avec lui. Moïse l'avait compris et vécu longtemps avant notre dispensation. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est exactement ce que la grâce divine ne cesse de nous enseigner dans Philippiens 1 à partir du verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, c'est Paul qui parle, soit que je reste absent, j'entendais dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par des adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, le salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ensuite, Joseph. Le nom Joseph signifie que Dieu ajoute. Dans Genèse 37, au verset 1, nous lisons ceci. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Pour citer la postérité de Jacob, un seul nom jaillit. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Contrairement à ses frères religieux qui ne voulaient pas se saisir de l'abondance de la grâce divine et du don de la justice afin de régner dans la vie par Jésus-Christ seul, Joseph était sobre dans ses attitudes et sobre dans son vocabulaire. Éphésiens 5, verset 3 nous dit qu'aucune espèce d'impureté, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni prétentéries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt l'action de grâce. Les frères de Joseph ne le savaient pas, mais Joseph le savait, parce que Joseph était fidèle aux enseignements de la grâce divine. Si au moins ce beau monde, les frères de Joseph connaissaient, comprenaient et désiraient ardemment se saisir de la grâce divine, ils auraient eu leurs lèvres lavées et purifiées de toute iniquité, comme dans le cas du jeune prophète Esaïe, dans Esaïe 6, au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Joseph était le seul enfant qui attirait et se saisissait de la grâce divine dans sa vie, en obéissant aux enseignements de cette même grâce divine. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Chers amis qui m'écoutez, que nous soyons aimés ou pas dans ce monde, cela n'est vraiment pas important. Mais le plus important, le nécessaire, le vital est que nous saisissions l'abondance de la faveur divine, source de salut intégrale manifestée, offerte à tous, y compris à ceux qui haïssent et tuent leurs frères, afin que nous puissions demeurer dans ses enseignements. Psaume 5, versets 12 et 13 nous disent ceci. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alléluia. Ceux qui se saisissent de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Les deux mots reviennent là, la grâce et la justice. Ceux qui se saisissent de l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent dans la vie par Jésus-Christ seul. Parce que je suis le juste de Dieu par Jésus-Christ, la faveur divine qui m'entoure est dynamique et effective. Éphésiens 1, verset 3. Je ne cherche plus à être béni, mais je le suis déjà. Parce que Dieu m'a déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Sans la faveur divine, aucun justifié ne peut régner dans la vie, c'est-à-dire sur le péché et sur ses conséquences, telles que la maladie, les malédictions, les attaques et les tourments démoniaques. Romains 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ en est un exemple parfait de justice et de grâce. Luc 2, verset 40. Or, l'enfant, il s'agit de Jésus, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Tel Jésus est, tel tout véritable né de nouveau doit être dans ce monde. Le passage de Genèse 37 que nous avons lu plus haut nous parle de Joseph, de l'assemblée dont il était membre. Cette église représentait toute une nation, tout le peuple de Dieu, et tout cela représentait en même temps plusieurs éléments de notre vie quotidienne. Joseph est donc choisi parmi les 12 enfants de Jacob. C'est ce que la faveur divine avait aussi fait en choisissant Jacob, son père, au lieu de choisir Esau, le frère jumeau de Jacob. Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Dieu, dans sa préscience, savait que l'aîné, Ésaü, allait mépriser son droit d'aînesse et qu'il allait le préférer à un plat de nourriture. Parce que Joseph s'était saisi de la grâce divine, Dieu commença à lui parler, à lui faire des révélations pendant que ses autres frères étaient des compléments d'effectifs. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Chers amis, Dieu cherchait toujours un homme ou une femme selon son cœur afin de déverser sa grâce sur lui. Tel était aussi le cas de David, le dernier au milieu de ses frères costauds et capables selon la chair, mais sans aucune faveur divine. Les frères de Joseph lui dirent dans Genèse 37 au verset 8, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Chers amis, si les frères de Joseph écoutaient les enseignements de la grâce divine, ils auraient su que si un seul membre est honoré dans une famille ou dans un corps, c'est tout le corps ou toute la famille qui est honoré. Et en plus, ils n'auraient pas appelé leur frère Joseph faiseur de songes. Ils auraient su que c'est Dieu qui donne les songes, les visions et les révélations. Ensuite, ils n'auraient pas complété de tuer leur frère pour ensuite le vendre comme un esclave à des non-croyants. Voilà le genre de chrétiens sur lesquels la faveur divine n'est pas, d'après Tite chapitre 2, versets 11 et 12 que nous avons lu. Mais, chers amis, la faveur divine nous garde de toutes les attaques des gens méchants et pervers, d'après le psaume 7, verset 15. Et ensuite, toute arme forgée contre les favoris divins est de nul effet. La faveur divine déjoue tous les plans de nos ennemis. Proverbe 16, verset 7. Quand nos voix plaisent à Dieu, il dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis. Et Deutéronome 3, au verset 22, nous dit donc, « Ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » D'abord, tous ses frères, en dehors de Benjamin, étaient nés selon la chair, pendant que Léa, la tante de Joseph, grande sœur de sa maman, était en compétition avec elle toute sa vie. Elle se disputait un seul homme, Jacob, leur mari. Et sans aucune faveur divine, Léa commença à accoucher des enfants, en croyant que c'est en donnant beaucoup d'enfants à Jacob que Jacob allait l'aimer et qu'elle allait trouver la faveur aux yeux de Dieu. D'abord, elle enfanta Ruben. Le nom Ruben signifie « voyez un fils ». C'est ainsi que Léa exaltait le Seigneur, mais dans la chair, dans la compétition, sans aucune faveur. Ensuite, elle enfanta Siméon. Siméon signifie « entendre, exaucer ». Voilà comment Léa croyait qu'elle était entendue et exaucée plus que sa sœur Rachel, mais sans aucune faveur. Elle enfanta ensuite Lévi. Elle se dit, parce que j'ai enfanté un troisième fils à mon mari, il finira certainement à s'attacher à moi, mais là aussi, sans aucune faveur. Elle enfanta ensuite Judas. Le nom Judas signifie louange de Dieu. Voilà Léa qui chantait les louanges à l'Éternel, mais dans l'amertume, dans la jalousie, dans les concurrences et dans les compétitions ministérielles avec sa sœur, sans aucune faveur. Mais tout cela se termina par le jugement. Le dernier enfant que Léa enfanta s'appelait Dina, une fille. Ce nom signifie jugement. Voilà là où nous conduisent toutes nos bonnes œuvres selon la chair et non selon la faveur divine. Les frères de Joseph avaient dit, « Vendons-le aux Ismaélites. » Mais heureusement que la faveur divine fait concourir tout à notre bien. Pour cela, Joseph dira plus tard à ses frères, « Vous aviez médité de me faire le mal. » Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Alors, chers amis, croyons à la parole de Dieu et non aux expériences humaines. Tout comme le jeune David qui viendra après lui, le jeune Joseph n'était pas rempli d'amertume, ni de colère et de ressentiment, ni de sentiment de vengeance contre ses frères et ses ennemis humains, parce qu'il savait que ces derniers ne connaissaient pas son Dieu, le seul vrai Dieu. Mais il était fidèle aux enseignements de la grâce qui disait « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et la faveur divine sera votre partage et vous accomplirez votre destinée divine. » Parce que Dieu dit et la chose arrive. Sa parole de bénédiction sur nous ne sort jamais et ne rentre jamais à lui sans se réaliser. Sauf si nous refusons sa grâce ou sauf si nous faisons tout pour déchoir de sa grâce divine. Dans le marché des esclaves en Égypte, Dieu envoya un personnage providentiel, M. Potiphar, pour venir acheter Joseph. Potiphar, chef de la garde de Pharaon, voilà la destinée divine qui se rapprochait déjà de Joseph. Genèse 39, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa. Voilà l'esclave qui passe de l'état d'esclave à celui d'employé. Ensuite, son maître l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voilà, il n'est plus un simple employé, mais il est devenu gérant de tout le patrimoine de Potiphar. Genèse 39, verset 5 dit, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph n'allait pas dans les champs, mais comme les champs appartenaient à Potiphar, même dans les champs, la bénédiction de Dieu se manifestait. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voilà comment la grâce de Dieu opère dans la vie de quelqu'un qui est rejeté par ceux qui n'ont pas la pensée de Christ. Quelqu'un que les mécréants, les hommes pervers et méchants qui n'ont pas de foi, vendent comme esclave. Mais parce que la faveur divine est sur lui, sa destinée divine s'accomplit toujours. Potiphar, un non-croyant, avait vu Dieu dans la vie de son esclave. Parce que tous ceux qui marchent selon la grâce divine sont le sel de la terre, la lumière du monde. Une lampe allumée sur une colline ne peut pas être inaperçue. Quand nous fonctionnons sous la faveur divine, nous sommes le parfum de Christ qui répand son odeur partout et pour tous. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Et parce que nous opérons sous la faveur divine, Paul dit dans 2 Corinthiens 6, à partir du verset 4, ce qui suit. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par des armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, étant regardé comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous en enrichissons plusieurs. C'est ce que faisait Joseph. Joseph était donc patient. Il savait attendre même dans des conditions les plus révoltantes parce que la faveur divine qui le conduisait lui enseignait cela. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Sous la faveur divine, les tentations sont plus violentes, plus agressives, que de Madame Potiphar contre Joseph. Finalement, pour un péché qu'il avait refusé de commettre, Joseph est mis dans la prison où Pharaon mettait ses ministres. Il n'est pas mis dans une prison où les esclaves qui veulent violer les épouses de leur maître sont mis. Ceux-là sont mis à Mantoum ou à Guantanamo. Mais ce n'est pas là que Joseph est mis. Nous voyons comment la grâce de Dieu opère. Il est mis dans la prison où Pharaon met ses ministres. Voilà ce que la faveur divine peut faire dans la vie de tous ceux qui la désirent, la recherchent et la saisissent abondamment avec le don de la justice. Il règne dans la vie par Jésus-Christ seul. Ésaïe 61, verset 1. Celui par qui la grâce et la vérité sont arrivées nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Merci Seigneur pour la destinée divine de tous ceux qui marchent par ta grâce. Amen. Chers amis qui m'écoutez, ne rejetez pas l'offre de la faveur divine pour vous. Offre disponible depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ il y a de cela 2000 ans environ. Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sans grâce, sans faveur sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, chers amis, je vous supplie, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec le Dieu vivant. Recevez sa grâce qui est disponible depuis 2000 ans environ, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous êtes, baissez votre tête et priez avec moi. Dites sincèrement de tout votre cœur, Père Céleste, je te remercie pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est venu avec la grâce et la vérité pour me racheter par son sang précieux versé de la vaine manière de vivre que j'avais héritée de mes pères depuis Adam. De tout mon cœur, je me saisis désormais de ton abondante grâce, source de mon salut qui vient de se manifester à moi à travers la parole de ta grâce que je viens d'écouter. Merci pour l'esprit de ta grâce qui vient ainsi de me convaincre de péché, de justice et de jugement et qui me conduit à la repentance. Je reçois dans mon cœur le crucifié et le ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Et je fais de lui désormais mon seul sauveur et mon seul Seigneur. Père Céleste, merci parce que tu viens de me sauver et de faire de moi ton enfant et ton héritier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, que la grâce de Dieu et sa paix vous soient données de la part de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ seul. Amen.